Chapitre 21e. À 4 heures, le ciel qui avait été voilé jusqu'alors se dégagea. La mer s'était apaisée. Le navire ne roulait plus. On aurait pu se croire en terre ferme. Cette immobilité du Great Eastern donna aux passagers l'idée d'organiser des courses. Le turf d'Epsom n'eut pas offert une piste meilleure, et quant aux chevaux, à défaut de gladiator ou de la touque, ils devaient être remplacés par des Écossais pur sang qui les valaient bien. La nouvelle ne tarda pas à se répandre. Aussitôt, les sportsmen d'accourir, les spectateurs de quitter les salons et les cabines. Un Anglais, l'honorable McCarthy, fut nommé commissaire et les coureurs se présentèrent sans retard. C'était une demi-douzaine de matelots, sorte de centaures, à la fois chevaux et jockeys, tout prêts à disputer le Grand Prix du Great Eastern. Les deux boulevards formaient le champ de course. Les coureurs devaient faire 3 fois le tour du navire et franchir ainsi un parcours de 1300 mètres environ. C'était suffisant. Bientôt les tribunes, je veux dire les dunettes, furent envahies par la foule des curieux, armés de lorgnettes, et dont quelques-uns avaient arboré le voile vert, pour se protéger sans doute contre la poussière de l'Atlantique. Les équipages manquaient, j'en conviens, mais non la place pour les ranger en file. Les dames en grande toilette se pressaient principalement sur les roufles de l'arrière. Le coup d'œil était charmant. Fabian, le capitaine Corsican, le docteur Dean Pitferge et moi, nous nous étions postés sur la dunette de l'avant. C'était là ce qu'on pouvait appeler l'enceinte du pesage. Là s'étaient réunis les véritables gentlemen riders. Devant nous se dressait le poteau de départ et d'arrivée. Les paris ne tardèrent pas à s'engager avec un entrain britannique. Des sommes considérables furent risquées, rien que sur la mine des coureurs, dont les hauts faits cependant n'étaient pas encore inscrits au studbook. Je ne vis pas sans inquiétude Harry Drake se mêler de ses préparatifs avec son aplomb accoutumé, discutant, disputant, tranchant d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Très heureusement, Fabian, bien qu'il eût engagé quelques livres dans la course, me parut assez indifférent à tout ce tapage. Il se tenait à l'écart, le front toujours soucieux, la pensée toujours au loin. Parmi les coureurs qui se présentèrent, 2 avaient plus particulièrement attiré l'attention publique. L'un, un Écossais de Dundee, nommé Wilmore, petit homme maigre, dératé, désossé, la poitrine large, l'œil ardent, passait pour être un des favoris. L'autre, grand diable bien découplé, un Irlandais du nom de O'Kelly, long comme un cheval de course, balançait aux yeux des connaisseurs les chants de Wilmore. On le demandait à 1 contre 3, et pour mon compte, partageant l'engouement général, j'allais risquer sur lui quelques dollars, quand le docteur me dit « Prenez le petit, croyez-moi, le grand est disqualifié. Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, répondit sérieusement le docteur, que ce n'est pas un pur sang. Il peut avoir une certaine vitesse initiale, mais il n'a pas de fond. Le petit, au contraire, l'Écossais, a de la race. Voyez son corps maintenu bien droit sur ses jambes et son poitrail bien ouvert, sans raideur. C'est un sujet qui a dû s'entraîner plus d'une fois dans la course sur place, c'est-à-dire en sautant d'un pied sur l'autre de manière à produire au moins 200 mouvements par minute. Pariez pour lui, vous dis-je, vous n'aurez pas à le regretter. » Je suivis le conseil de mon savant docteur et je pariai pour Wilmore. Quant aux 4 autres coureurs, ils n'étaient même pas en discussion. Les places furent tirées. Le sort favorisa l'Irlandais qui eut la corde. Les 6 coureurs se placèrent en ligne sur la limite du poteau. Pas de faux départ à craindre, ce qui simplifiait le mandat du commissaire. Le signal fut donné. Un hurrah accueillit le départ. Les connaisseurs reconnurent immédiatement que Wilmore et O'Kelly étaient des coureurs de profession. Sans se préoccuper de leurs rivaux qui les devançaient en s'essoufflant, ils allaient, le corps un peu penché, la tête bien droite, l'avant-bras collé au sternum, les poignets légèrement portés en avant et accompagnant chaque mouvement du pied opposé par un mouvement alternatif. Ils étaient pieds nus, leurs talons ne touchant jamais le sol, leur laissaient l'élasticité nécessaire pour conserver la force acquise. En un mot, tous les mouvements de leur personne se rapportaient et se complétaient. Au second tour, O'Kelly et Wilmore, toujours sur la même ligne, avaient distancé leurs adversaires époumonés. Ils démontraient avec évidence la vérité de cet axiome que me répétait le docteur. Ce n'est pas avec les jambes que l'on court, c'est avec la poitrine. Du jarret, c'est bien, mais des poumons, c'est mieux. À l'avant-dernier tournant, les cris des spectateurs saluèrent de nouveau leurs favoris. Les excitations, les hurrahs, les bravos éclataient de toutes parts. « Le petit gagnera, » me dit Pitferge. « Voyez, il ne souffle pas. Son rival est haletant. » En effet, Wilmore avait la figure calme et pâle. O'Kelly fumait comme un feu de paille mouillé. Il était au fouet, pour employer une expression de l'argot des sportsmen. Mais tous deux se maintenaient en ligne. Enfin, ils dépassèrent le grand roufle. Ils dépassèrent l'écoutille de la machine. Ils dépassèrent le poteau d'arrivée. « Hurrah, hurrah pour Wilmore !» crient les uns. « Hurrah pour O'Kelly !» répondaient les autres. « Wilmore a gagné !»« Non, ils sont ensemble !» La vérité est que Wilmore avait gagné, mais d'une demi-tête à peine. C'est ce que décida l'honorable McCarthy. Cependant, la discussion se prolongea et l'on en vint en grosses paroles. Les partisans de l'Irlandais, et particulièrement Harry Drake, soutenaient qu'il y avait un deadhead, que c'était une course morte, qu'il y avait lieu de la recommencer. Mais à ce moment, entraîné par un mouvement involontaire, Fabian s'étant approché d'Harry Drake, lui dit froidement « Vous avez tort, monsieur. Le vainqueur est le matelot écossais. » Drake s'avança vivement sur Fabian. « Vous dites ?» lui demanda-t-il d'un ton menaçant. « J'ai dit que vous avez tort, » répondit tranquillement Fabian. « Sans doute, » riposta Drake, « parce que vous avez parié pour Wilmore. »« J'ai parié comme vous pour O'Kelly, » répondit Fabian. « J'ai perdu et je paye. »« Monsieur, » s'écria Drake, « prétendez-vous m'apprendre ?» Mais il n'acheva pas sa phrase. Le capitaine Corsican s'était interposé entre Fabian et lui avec l'intention avouée de prendre la querelle pour son compte. Il traita Drake avec une dureté et un mépris très significatifs. Mais évidemment, Drake ne voulait pas avoir affaire à lui. Aussi, lorsque Corsican eut achevé, Drake se croisant les bras et s'adressant à Fabian, « Monsieur, » dit-il avec un mauvais sourire, « Monsieur a donc besoin de ses amis pour le défendre ?» Fabian pâlit. Il se précipita sur Harry Drake, mais je le retins. D'autre part, les compagnons de ce coquin l'entraînèrent, non sans qu'il eût jeté sur son adversaire un haineux regard. Le capitaine Corsican et moi nous descendîmes avec Fabian, qui se contenta de dire d'une voix calme « À la première occasion, je souffletterai ce grossier personnage. »